Bye bye bye bye bye bye. C'est toujours la même. Oui. Le premier qui vient on le baisse. Ils ont vu qu'on a cassé le bail. Ils ont cru que j'allais retourner ma veste. Le passé est rempli de salles, tu connais, je t'en pesais le pour et le contre. Des fois quelques envies de quitter le game. Impossible, t'es mal le prix de la montre. On se descend le parking, on refait le monde. Hein? Ça parle des Messi ou des Cristiano. En ce moment les petits sont en pétard. Ça joue la cahier comme Adriano. Le produit transite par la Guyane. La monnaie se transfère en RIA. Toujours 2-3 outils dans le Viano. A tout moment ça peut enquiller. Enfoiré, quand j'ai le sourire, c'est qu'il y a de la pétasse où je fais les comptes. Si jamais tu veux nous doubler, on va te cogner devant les champs. Parle pas fort, tu vas nous cramer. Tu vois bien qu'ici y'a pas de vice. C'est tendu, je rentre dans la mêlée. Même si la journée je perds bang bang, tes masques qu'on dégage. L'inspecteur pète sa tête. Au petit couche, mais je suis pas vegan. Je fais la croix sur la quête. Y'a nos places dans l'enquête. Y'a plus le temps de faire la fête. Dès qu'il j'ta couleur chèque, je regarde même plus le prix quand j'achète. Bang bang bang, tes masques qu'on dégage. L'inspecteur pète sa tête. Au petit couche, mais je suis pas vegan. Je fais la croix sur la quête. Y'a nos places dans l'enquête. Y'a plus le temps de faire la fête. Dès qu'il j'ta couleur chèque, je regarde même plus le prix quand j'achète. Second couplet, je les blesse. Toujours un pied dans le Banks. Toujours un pied dans le Banks. Qui fait le voyou qu'on le baisse. Ça joue les gros durs, ça joue les grossistes. Mais ça fait les flancs quand devant des chismes. Tu fumes une Philippe avant l'audition. Tu coopères avec le 17. Dans le 9-1, t'as besoin de carte de visite. J'm'en bats les couilles, c'est qui ton cousin. J'ai pas le temps de vider les stocks de Chanel. La place de la femme, c'est la cuisine. Imbécile, tu me remets. C'est mystique, rembobine. J'reviens en pétard et je les piétine. Toujours une pétasse qui veut la tétine. Tu veux la bonbon. Depuis la base, ils croyaient nous mettre dans les corps. Amdoula, j'ai fait ce qu'il a bas. Un vomi d'office. Jamais ça ne peut pas le faire, c'est 20 000 euros pour l'affaire. Un deck éminé, un tracer en dessous du Porsche. L'OPJ enquête sur ma vie, j'ai lâché les plaques. Dans le Boeing si ça part en couille. Bang bang bang, tes masques qu'on dégage. L'inspecteur pète sa tête. OG couche mais je suis pas vegan. J'fais la croix sur la quête. Y'a nos blases dans l'enquête. Y'a plus le temps de faire la fête. Dès qu'il j't'a couleur Shrek, j'regarde même plus le prix quand j'achète. Bang bang bang, tes masques qu'on dégage. L'inspecteur pète sa tête. OG couche mais je suis pas vegan. J'fais la croix sur la quête. Y'a nos blases dans l'enquête. Y'a plus le temps de faire la fête. Dès qu'il j't'a couleur Shrek, j'regarde même plus le prix quand j'achète. Ouais. De la baie. Hey. Je sais qu'on allait rester là comme ça. Johnny. Salut.